Bienvenue à tout le monde, on va se présenter parce qu'on est un certain nombre autour de la table. Voilà, je veux parler donc de l'hôpital de jour Ladamant et de la trame en Seine-Saint-Denis. On peut faire un petit tour de parole dans le sens des aiguilles d'une montre. Merci Jean-Baptiste de nous accueillir dans ce très beau lieu. Moi, je suis ravi d'être ici. C'est vrai qu'on s'était retrouvé après ce tout début de Sonic Protest l'an dernier, avant que le premier confinement ne nous tombe dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bonjour. Je m'appelle Bruno, oui, bonjour déjà, ça serait très bien. Bruno, je suis un des animateurs sur ce bâtiment flottant qui s'appelle Ladamant. Je suis un des animateurs, entre autres, de la radio qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Déjà. Et dont on va écouter un petit peu des travaux pendant oui. l'heure et demie pendant laquelle nous sommes ensemble. Exactement. Bonjour, alors moi je suis Nasser, un usager de l'association La Trame. Bonjour Christophe, merci de cette invitation pour ces nouvelles rencontres. Et donc moi je suis animateur pour Bruit de Couloir et animateur La Trame. Moi, c'est Isabelle. Je suis une des trois vice-présidentes du centre de jour Ladamant, du club l'Embarcadère. Julia, je travaille sur Ladamant. J'anime aussi l'atelier radio La Wave, qui a lieu le lundi après-midi, donc en ce moment. Voilà. Et peut-être que certains nous écoutent aussi, ouais. D'ailleurs, sur la péniche. On leur passe le bonjour. Bonjour, je suis Catherine. Je vous remercie de votre accueil très chaleureux. Donc, j'ai fait partie de Ladamant, je suis patiente. Et j'ai fait partie de l'atelier autour du corps qui a eu lieu pendant 8 ans, qui est fini en février, puisque Dacha est partie. Peut-être que je vous en parlerai un petit peu. Et puis, je vais à l'atelier radio et d'autres ateliers aussi sur Ladamant. Lucie, je suis animatrice à la trame depuis peu. Bonjour, je m'appelle Youssef, technicien de son à la trame. Et d'ailleurs, tu fais du son là en ce moment avec un petit appareil autour de nous. Okay. Il y a également Fred qui est aux manettes et puis DJ Karim qui prépare un petit morceau pour tout à l'heure. Bah du coup, alors on s'était dit l'après-midi qu'on pouvait faire un peu une traversée, mais aussi de la réalité de la web radio dans l'hôpital de jour, et donc du coup aussi de raconter un petit peu ce lieu, et qui ne contient pas seulement, comme tu le disais Catherine, l'atelier radio, mais plusieurs réalités. Et tu as préparé, Bruno, des petits aussi extraits qui permettront de traverser un peu les différentes choses. Je disais aussi, et tu le rappelais pendant ce qu'on appelle le café des habitants tout à l'heure, où on se retrouve, on recense un peu les besoins et on se dit bonjour. Parlais du club. Voilà. Ouais, je disais que la plupart des activités qui avaient lieu sur cet hôpital de jour, en fait, étaient financées, mais aussi travaillées, animées, gérées par le club qui s'appelle l'Embarcadère, hein, qui est une association loi 1901. Et ça, Isabelle prendra le temps de nous raconter par le menu ce que c'est qu'un club, ce que c'est qu'un atelier, ce que c'est qu'une association en santé mentale, comme on dit avec des guillemets. Mais avant peut-être de raconter ça, je voulais juste dire un mot sur les documents sonores qu'on va entendre tout à l'heure, au cours de l'émission. Le parti pris, ça a été d'essayer de rendre compte au plus près de notre pratique au quotidien, mais pas forcément en ce qui concerne vraiment la radio. Mais c'est-à-dire, je vais vous dire ça plus clairement, on va entendre un document qui est vraiment fabriqué sur Ladamant, c'est-à-dire sur ce bâtiment flottant, qui est sur la Seine, sous le pont Charles de Gaulle, ou du moins juste à côté. Donc quelque chose qui vient vraiment de l'hôpital de jour. Un document qui a été fait hors les murs, extérieur, sur un projet de moyen métrage, une fiction, avec Simon Gillet comme réalisateur. J'espère qu'on aura l'occasion, après l'avoir entendu, d'en dire quelque chose. Donc, hors les murs, dans le centre de jour, mais aussi dans l'hôpital, hein, vraiment là où on se retrouve quand on est en difficulté, quand on est en crise, parce qu'il se passe aussi là-bas des choses, des ateliers, on s'efforce de faire en sorte que ça soit le plus vivant possible, et puis aussi au domicile des personnes qu'on visite, où il y aura aussi du son, puisqu'on rend visite aux personnes chez eux. Donc c'est vraiment quatre territoires différents, histoire de rendre compte de la manière la plus précise de ce que c'est que le travail de secteur en psychiatrie. Hein, on est dehors, on va chez les gens, on va à l'hôpital, et puis aussi on essaye de faire vivre le lieu de l'hôpital de jour. Et du coup, c'était ça ce que je voulais dire par rapport aussi à ce voyage que vous faites ici, puisque l'occasion de ce voyage, c'est de parler de ces pratiques. On pourra y revenir aussi demain, mais à la trame, il y a aussi une pratique de la radio qu'on ne peut pas appeler secteur, parce que c'est pas défini dans un pôle précisément, mais il y a aussi cette question de l'itinérance où l'atelier se déplace. Et je crois il y a 2 ans, vous aviez aussi commencé par faire des radios itinérantes dans différents lieux. Du coup, c'est bien de dire aussi peut-être un mot sur ces différents lieux d'atelier. Oui. Ben, pour nous, pendant longtemps, on avait une pratique très novice de la radio, et donc on était un petit peu... On se sentait obligé d'aller en studio parce qu'on n'avait pas les capacités peut-être pour travailler le son, la matière radiophonique. Et puis quand même assez vite, en pratiquant et en se rendant déjà à l'aise dans la prise de parole les uns avec les autres, ça nous a... C'est cet élan vers l'autre, la capacité de s'écouter, de se répondre, dialoguer tout simplement, qui nous a permis en fait et donné l'envie de se déplacer. Et effectivement, on avait aussi envie... Alors à la fois, on s'est déplacé, dans le même temps, on a ouvert la prise de parole à tous. C'est-à-dire que c'était plus une émission, parce que nous, on fait une émission d'une heure qu'on diffuse ensuite sur Fréquence Paris Pluriel. Et on avait une émission avec des chroniques, avec des thèmes, des invités et des animateurs principaux, entre guillemets. Et assez vite, on a eu l'envie, et du fait d'avoir rencontré d'autres radios, on a eu envie d'ouvrir l'espace de la prise de parole, la possibilité que chacun puisse prendre la parole. Et c'est dans le même temps que s'est opéré le déplacement et que les émissions sont sorties du studio. Il n'y avait plus l'assignation comme ça, enfin la nécessité d'être à une table comme on le fait là, mais c'est très bien, mais on pouvait se permettre aussi d'aller à la rencontre d'autres lieux, et ce qui comptait, c'était de finalement plus le déplacement et le fait que pour nous changer de lieu, c'était aussi peut-être découvrir d'autres prises de parole qui comptaient. Donc on a commencé à se dire que la radio, ça pouvait être l'outil pour nous de découverte d'autres modalités de prise de parole, d'autres modalités dans la question du pouvoir. Enfin, c'était ça qui se jouait beaucoup. Ceux qui peuvent prendre la parole et ceux qui ne peuvent pas la prendre. Et donc, se déplacer, c'était aussi la donner la parole à d'autres personnes qui ne l'avaient pas encore prise, dans un ESAT, dans un hôpital psychiatrique, dans un quartier, par exemple le quartier de la Trame où on était, dans un foyer Emmaüs, tout à fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé cette itinérance. C'était vraiment lié à cette question de pouvoir donner la parole à quelqu'un. Alors là, la circulation que vous faites à l'Adamant de venir ici, elle est liée justement, tu disais, à l'histoire du club. Est-ce que peut-être on peut repartir de là pour un peu raconter qu'est-ce que c'est le club à l'Adamant ? Isabelle, vous vouliez peut-être dire quelque chose à ce propos ? Alors, quand on arrive à l'Adamant, on est accueilli par un petit bar avec des boissons non alcoolisées et des barres chocolatées ou des gâteaux diététiques avec des fruits secs, parce qu'on a une infirmière qui est très proche, très intéressée par la diététique. Ensuite, l'atelier bar... Des chips aussi, des fois. Le groupe bar compte les sous le vendredi matin et fait une enveloppe pour l'atelier compte, comptabilité. Et l'atelier comptabilité s'occupe de tous les autres ateliers. Donc, parallèlement à ça, nous avons une réunion mensuelle. Et à chaque fois qu'il y a une réunion mensuelle, nous écrivons une gazette mensuelle avec un petit agenda des clubbeurs sous forme de tableau où les dates des réunions mensuelles, des fêtes de la musique avant, maintenant c'est plutôt la fête de la rentrée, les forums de l'association, des associations en septembre, la fête des sous où chaque atelier énumère ses desiderata, la fête de Noël et l'Assemblée Générale. La gazette informe des sorties, randonnées ou spectacles vivants, ainsi que les retours des sorties. Elle informe sur les ateliers éphémères, comme la sculpture sur papier, ou l'atelier maroquinerie ou écriture. Elle informe des rencontres avec d'autres collectifs, comme les Murets, Bouffadou, Troublefête, Paroles Errantes. Elle informe sur les achats, des cartouches d'encre, imprimantes pour la bibliothèque, instruments de musique, tables de mixage, des appels aux dons comme à Philharmonie, l'atelier couture, qui fait appel aux dons d'outils de mercerie ou de tissus, des appels à participation pour aider au groupe comptabilité, ou aider à la gazette, des appels aux suggestions de sortie, des infos de discussion, des petites annonces, des blagues, citations, illustrations, photos. Et dernièrement, les préoccupations, c'était le changement de nom de l'association et de son logo. En 2014, il y a eu beaucoup de changements. C'était les dernières séances de travail de demande de subvention. Il y a une permanence d'accueil d'œuvres de patients pour préparer une exposition. C'était l'anniversaire des 10 ans du club, fêté à l'Assemblée Générale. Il y a eu permanence hebdomadaire pour clôturer l'atelier vide-grenier. Il y a eu une création de buvette à l'hôpital le mercredi matin. La gazette est passée en couleur et nous avons eu la visite de Nicolas Philibert à Rhizome en novembre. Oui. Rhizome qui est un temps dans la semaine de la vie du lieu de la péniche qui se déroule le vendredi, je crois. Oui, c'est ça, le vendredi après-midi. Existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, puisque moi, ça avait déjà commencé avant que je n'arrive dans cet atelier. Hein, c'est animé par Arnaud Vallet et par Walid Benziane. L'idée de ce groupe de parole, hein, c'est le seul groupe de parole qui existe en tant que tel. Comme ça, on n'a pas de médias quand on se rencontre. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de l'actualité dans le sens le plus général qui soit. C'est-à-dire, c'est l'actualité la plus intime, la plus quotidienne, et comment elle vient rencontrer ou pas l'actualité qui peut paraître la plus éloignée de nous. Voilà, comment le quotidien est traversé de choses très banales, je dirais, communes, mais aussi de choses extraordinaires qui sont loin de nous, qui font appel à l'étrange, voire même à l'étranger. Et le but de cet atelier, c'est bien que chacun puisse un peu raconter un peu ce qui se passe pour lui sur cette question-là, mais c'est aussi de pouvoir faire appel au rythme qu'on peut, hein, parce qu'on n'a pas non plus un carnet d'adresses très important, c'est d'avoir des invités, tant qu'on peut. Hein, des invités, ça peut être des écrivains, ça peut être un médecin, ça peut être un musicien, que sais-je. Et l'idée, c'est vraiment de venir nous rencontrer. C'est-à-dire, ce ne sont pas des conférences, on ne demande pas aux gens de venir nous réciter quelque chose, mais vraiment de se risquer à la rencontre, c'est-à-dire avoir souvent affaire à des personnes qui n'ont pas nécessairement lu leur livre. Hein, voilà, on est peut-être trois dans l'assemblée à avoir lu le livre de l'écrivain en question, mais c'est pas ça le problème, c'est vraiment de... Mais t'es qui, toi? Comment tu as fait pour devenir écrivain? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie avant? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, c'est un des principes du groupe Rhizome. Mais pour compléter aussi ce que disait Isabelle, c'est effectivement c'est tous ces temps de rencontres, d'élaboration qui peuvent parfois qui demandent de la persévérance. Hein, parce que c'est effectivement ce sont des choses triviales dans le sens où il faut compter des sous. Il faut voir combien on a en caisse, qu'est-ce qu'on peut financer avec ça, faire face parfois aux désiderata, comme vous le disiez, de tout un chacun. Ah bah moi j'ai envie de faire tel truc, bah oui, mais ça coûte combien? Comment on va s'y prendre pour le faire? Qui c'est qui va animer ça? Combien de personnes s'intéressent? Enfin, vraiment une pratique de la politique au sens le plus noble du terme, je dirais. C'est-à-dire d'arriver à trouver un modus vivendi commun. Comment on fait ensemble quand il y a un projet qui arrive, qui en prend la responsabilité, comment on le finance, comment on va faire. C'est ça, et du coup, ce bar associatif que vous décriviez, Isabelle, c'est ça qui permet aussi de financer la grande partie des ateliers qui ont lieu sur la DAMO, hein, que ce soit la radio, par exemple, hein, qui fait partie du club, qui est financée par le club, ou bien encore le ciné-club qui existe depuis 10 ans, ou bien Philharmonie, la couture, ou enfin j'en passe, il y en a plein, hein, j'ai pas tous les nommés, hein, le groupe lecture, il y a plein d'ateliers comme ça, le groupe musique, hein, qui passe par le prisme du collectif et de ce collectif là. Alors parmi les choses que vous avez apportées à écouter, oui. Il y a justement certains ateliers, comme par exemple le film que vous êtes en train de faire, ça c'est aussi un atelier qui est lié à la vie du club. Oui, oui. Isabelle ou Catherine, vous voulez en dire quelque chose du film qu'on a fini de tourner? Alors j'ai noté, le metteur en scène ne filme pas dans l'ordre chronologique du déroulé de l'histoire, mais selon la disponibilité des lieux. Un acteur peut donner la réplique dans le vide, puis après montage, on le voit en grande discussion avec un autre. D'ailleurs, dans certains films, on peut constater des défauts de scène où les expressions d'acteurs, subrepticement, ne sont pas toujours raccord. C'est un puzzle à reconstituer pour le metteur en scène. Le caméraman, lui, jongle avec la lumière, les rayons du soleil et les nuages, parfois capricieux, à l'aide de planches de polystyrène, de draps blancs, en haut d'un mur, sur un angle de table, sur le trépied de la caméra, ou avec des plastiques transparents, des tissus noirs pour tempérer. Ce film, pour l'anecdote, mais ce n'est pas qu'une anecdote, hein, c'est Simon Gillet, qui est le réalisateur, qui est venu nous voir il y a déjà 2 ans. On l'avait rencontré aux Rencontres nationales de vidéo en santé mentale à la Villette à propos de deux courts-métrages qu'il avait réalisés. On l'a invité sur la Daman, on a regardé ses films, il est venu avec son équipe, il avait tourné avec des patients de la Butte Verte qui dépendent de l'hôpital de Ville-Évrard. Il est venu nous retrouver 2 ans après, donc il y a déjà maintenant 2 ans, donc ça remonte à 4 ans en fait cette rencontre. Il est venu nous voir avec une idée de scénario, toute simple. Il nous dit, voilà, écoutez, j'ai un scénario. Le scénario, il est le suivant. C'est pas de la science-fiction, c'est un film d'anticipation. On est dans un futur assez proche, pas trop lointain donc. Et dans ce futur proche, la technologie est en train de se casser la figure tout doucement. Et les gens sont confinés chez eux. Une menace rôde dehors. Les gens sont enfermés chez eux. Il y a un groupe comme ça qui essaye de tenir vaille que vaille dans l'adversité. Et parmi ce groupe, une partie d'entre eux vont partir. On va les appeler les pionniers. Ils vont essayer de retrouver un ailleurs vivable. Un ailleurs improbable, un ailleurs inconnu. Ils vont essayer de partir pour retrouver un endroit où vivre. Il était venu avec cette histoire. Évidemment, c'était avant le Covid. Et le Covid est venu là-dessus, ce qui fait que ça, bon, du coup, ça avait un effet assez terrible, hein, où vraiment la réalité rejoignait la fiction, c'est le cas de le dire. Et puis, du coup, ça nous a un petit peu aussi, et à la fois soutenu et entravé dans ce travail-là, parce que ça nous a amené à rentrer dans une histoire qui a duré 2 ans et qui s'est terminée là, mardi dernier, puisque c'était le dernier jour de tournage. Ouais, c'est pas ça. June. Allô, Seb. Comment ça va? Alors, attends, quitte pas, je vais mettre le haut-parleur. Comme ça, Guillaume et les autres qui sont là, ils vont tenir les renseignements, bouge pas. Attends, bah, ils vont répondre au... Ah, pardon. Mais non, mais allez-y, répondez à l'appel et puis... C'est la gare RER de Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, c'est l'arrêt. Choisy-le-Roi. Ah, c'est l'arrêt Choisy-le-Roi. Oui. Donc, direction Choisy-le-Roi, arrêt Choisy-le-Roi. Exactement. Et là, je suis à Belleville, le temps d'arriver, je le prends à côté. L'RRC, L'RRC, il passe à... Attends, il est où, à Belleville? Il est à Belleville. Belleville, il descend par là, où? Sinon, il fait Nation Gare de Lyon. Ouais. Châtelet, et à Châtelet, le RERC passe? Non. Non. Il est à Saint-Michel. Faut aller à Saint-Michel. À Gare de Lyon? Non, à Saint-Michel. Ou Austerlitz? À Saint-Michel ou à Austerlitz, le RERC passe. J'ai une autre itinéraire. Saint-Michel ou Austerlitz? Oui. Bon, j'appellerai 10 minutes avant, avant d'arriver, ok? D'accord. Ah. Allez, à tout à l'heure. Bon voyage. Ciao, à tout de suite. Allez, bye. Ciao. On peut voir. Ok. On y va? Ouais. Comme ça. Un peu courbé. Ouais, un peu courbé comme c'était, ouais. Et puis, quand je te ferai un petit signe, tu me verras. Tu regarderas vers le petit chemin par lequel on est arrivé. D'un coup, comme si on t'appelait, quoi. Ok? Bon, on peut y aller? Ouais. Alors, silence. Moteur. Tourne. 1P sur 1, première. Action. Coupé. Oh, c'était bien. On en refait une. Très bien. Ouais, on en refait une pour avoir une autre chose, mais voilà, c'est... J'essaie de encore voir qu'est-ce que je peux... Il y a un avion qui est passé comme dans la scène. À la fin de cette scène, normalement, il y a un avion qui passe. Alors, on en fait une autre. Silence. Moteur. Tourne. Un P sur un deuxième. Très bon. Action. Attention micro. Ouais. Action. Coupé. Bon, très bien. On peut faire un gros plan. Les deux faces. Oui. Et puis après on passe derrière avec l'arrivée de Céline. D'accord. Gros plan, je change de prise peut-être. Pas sûr. Non, en fait j'ai fait plein de trucs avec ça. Moi. Je lisais un peu. Ouais, j'essaie de comprendre un peu plus en profondeur. Le titre c'est ça. De la vie heureuse et aussi de la brièveté de la vie. Vu que c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Ah oui. C'est l'imprégnant du texte. Vous lisez une phrase? Si j'ai bien compris, je dois lire tout ça. Non, c'est pas très intelligent. Et jusqu'ici. Ah oui. Un beau texte, quoi. Ouais, c'est vrai. Allez-y, je vous écoute. Tout le monde, mon frère Galion, veut une vie heureuse. Mais... lorsqu'il s'agit de voir clairement ce qui la rend telle, c'est le plein brouillard. Aussi n'est-ce point facile d'atteindre la vie heureuse. On s'en éloigne, d'autant plus qu'on s'y porte avec plus d'ardeur. Quand on s'est trompé de chemin, que celui-ci nous conduise au sens contraire et notre élan même augmente de la distance. C'est Lyon, non? C'est intéressant. Il faut donc d'abord bien poser ce qui est l'objet de notre désir, examiner avec soin comment nous pourrions le plus rapidement nous diriger vers lui. Si la voie est droite, nous nous rendrons compte pendant le voyage même des progrès faits chaque jour et de notre approche d'un but vers lequel nous pousse notre désir naturel. Aussi longtemps que nous errons ça et là sans guide, obéissant au bruit et aux cris discordants d'hommes qui nous appellent en des sens opposés, nous usons une vie que nos égarements rendent brève. Je suis là, je suis en train de toucher la tronche. Même si nous travaillons de jour et de nuit à cultiver le bien. Aussi déterminons le but où nous tendons à la voie par où nous diriger. Ne le faisons pas sans un homme expérimenté qui connaisse bien le chemin dans lequel nous avançons. À la vérité, la situation n'est pas ici la même que dans les autres voyages. Ailleurs, il y a une route connue, on interroge les habitants et ils ne nous laissent pas égarer. Encore une phrase. Mais ici, la voie la mieux frayée et la plus fréquentée est aussi la plus trompeuse. Mais je vais mettre mes chips. C'est de la philo, quoi, enfin je crois. C'est pas de la philo. Il faut du hydroalcoolique. La poésie ? Moi j'en mets un peu de gel. Ok. Pour les cheveux ? Pour les mains. J'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelait comme ça, mais ça s'écrivait pas comme ça. Ah, fallait pas me ramener à 9h du mat ici. À l'école, il me semble, on avait étudié Sénèque, mais c'était avec un C. Non, ça devait être cette orthographe-là, ouais. Ah d'accord. Non, c'est possible. C'est tellement loin tout ça. En une page, prendre une page, j'en ai pour longtemps, alors si c'est un livre entier comme ça. Ah bah faut prendre son temps. Bon, pour l'instant, je peux m'oublier. Ah, j'aimerais bien escalader ça. Vous avez vu, il bouge. Vous y allez ? Alors, vas-y avec son regard, elle est pas mal, non ? Bah, il bouge parce que tu fais bouger. Il y a le regard quand l'autre arrive, c'est ça ? Ouais. Mmh. Ouais. On va le faire aussi avec le regard. Bon, bah très bien. Allez. Moteur. Tourne. Silence, s'il vous plaît. Annonce. Pardon, non. Ça tourne ou pas ? Ouais. Un P sur deux, première. Action ! Il va plouf. Oui. Ok, attends. Ouais, c'est très bien. Ouais. T'as encore autre chose à dire, non ? Ça va. Ouais, ouais, mais ça marche. Ouais. Et donc après, tu peux. Je la regarde tout le temps. Je crois que je la pose après, c'est ça ? Non, tu peux. Garde là, ça va être compliqué que tu la poses. T'as qu'à la garder dans tes mains. Et puis tu la regardes un moment comme ça, toi aussi tu regarderas la carte, il y a un temps de silence, et au bout d'un moment tu dis, mais tu sais où on est là ? Et toi tu vas pas répondre tout de suite, tu regardes et tu dis, bah non. Et là, hop, l'avion qui passe quoi. On répète encore, on profite du temps. Là, c'est un train. Fait qu'il y a... Ouais. Non, et je sais, comme pour le son c'est mort là. Oui, en fait je commence par... Je regarde cette carte tout le temps, j'imagine qu'on est encore ensemble avant de détailler les gens. Ça, voilà, ouais. C'était bien la façon dont tu as parlé de Vince, un peu en condition. Après, tu verras un peu ce qui se passe. Action. Ça va ? Vince, il allait beaucoup trop vite. Il m'a semé. Maintenant. Tu peux arrêter de la regarder, Carole, après. Je la regarde tout le temps. Tu peux dire que c'est la carte de Victor. Ça, c'est important pour l'entendre. D'accord. Tu sais ce que c'est, ça ? La carte de Victor. Et je la regarde tout le temps. Ça me donne l'impression qu'on est encore tous ensemble. Tu vois, j'imagine que les pionniers sont par là. Il y a Victor, Antoine, Je fais que ça, de la regarder en ce moment. Mais tu sais où on est là ? Non. Coupé. Bon, c'était bien. C'était un grand avion, hein. Ouais, il était long. Mais en fait, vraiment, il passe au-dessus. En fait, les avions, il lâche des bombes. Enfin, c'est comme un truc un peu... pas sur vous, mais... Non, mais juste, vous le surveillez, quoi. Donc, okay. Il y a un truc un peu tendu, et vous restez... Jusqu'à ce que je dise coupé, vous restez les yeux au ciel. D'accord, mais plus haut, parce que moi, voilà. Je pense que je regardais là-bas. Ouais, plus haut. Ouais, plus faites un essai de ce regard au ciel. D'accord. On est vraiment au-dessus, je crois. Là, c'est bien. Voilà. Très bien. Et puis, attendez le signe, parce que du coup, vous êtes un peu décalé. Encore, c'est possible que vous soyez un peu décalé. Mais comment je vous fais un signe comme ça pour lever les yeux ? D'accord, je suis partie trop tôt, je crois. Moi, je sais pas. Ah ouais ? Non, mais ça, en même temps, ça allait, il y a eu un temps. Ouais. C'est bien. Ok. Bon, ça marche bien, tout le monde. On va attendre qu'il passe quand même, celui-là. Alors du coup, ce film, cet atelier film, quelle circulation il raconte dans le secteur de psychiatrie dont tu parlais tout à l'heure ? Bon, on a quand même du coup beaucoup tourné sur le bateau là-dedans. On était assigné à résidence, si je puis dire, confiné dans le confinement pendant le tournage, puisque ça racontait cette histoire-là. Mais on a aussi travaillé avec une autre équipe, à savoir celle de la Butte Verte, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui faisait pas. C'était l'autre moitié de l'équipe du tournage. Ceux de la Butte Verte étaient ceux qu'on appelait les pionniers. Hein, et nous, nous étions ceux, on était l'arrière-garde, ceux qui s'occupaient d'une radio justement qui avait pour fonction de diffuser, d'infuser la population de tout un tas de messages de propagande, on va le dire simplement, pour garder l'espoir que cet autre monde était possible et que les pionniers n'avaient pas disparu. Donc on les a rencontrés, ils sont venus nous voir, on a joué ensemble sur Adamant, Simon s'est déplacé à la Butte Verte aussi pour tourner avec eux là-bas, et ensuite on s'est à nouveau retrouvé, avant de terminer à Choisy sur les bords de Seine, on s'est retrouvé avec l'équipe de la Butte Verte à l'hôpital Esquirol, à Charenton, qui nous a prêté une salle où on avait une journée de tournage avec eux. Et pendant ce tournage-là, donc avec les patients et les animateurs de la Butte Verte, il y avait aussi un autre atelier qui était présent, l'atelier Temps de Pause, qui est un atelier photo, qui sont venus faire des portraits des comédiens pendant toute une journée à l'hôpital Esquirol. Voilà pour la petite circulation entre hôpitaux de jour et puis l'hôpital Esquirol. À la Trame aussi, vous accompagnez un atelier cinéma qui aussi fabrique des alliances entre plusieurs lieux en Seine-Saint-Denis. Peut-être que vous pouvez aussi en dire un mot. D'ailleurs, qui a fait un long voyage il y a peu de temps, je crois. Ouais, c'était la semaine dernière. En fait, ce projet, c'est un projet commun entre la Trame, les GEM de Montreuil, de Saint-Denis, d'Épinay, et le SAVS de Stein, et l'Abominable à La Courneuve. L'Abominable, c'est un laboratoire de fabrication de films sur pellicule. Et ça fait 3 ans environ qu'on se rencontre tous à La Courneuve, à l'Abominable. Au départ, on a commencé à regarder des films juste ensemble. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir envie de faire notre film. Donc ça fait à peu près deux ans qu'on a commencé. On y va tout doucement. Et effectivement, la semaine dernière, il y a un petit groupe de ce grand groupe qui est parti à Saillant en Auvergne pour continuer le tournage. Pour le moment, c'est un film qui n'a pas trop de scénario. Mmh. Oui, Christophe ? Non, non, mais effectivement, il est traversé surtout par une sorte de polarité intérieure, extérieure, ville-campagne, dedans-dehors, mais il n'y a pas d'écriture particulière ou de narration qu'on pourrait deviner. Quoi. Comment ? Est-ce qu'on fait de l'impro ? Je sais pas, tu veux raconter un peu le processus ? Eh bien, je dirais pas qu'on fait tout à fait de l'impro. Ça a commencé... on est parti de textes. Avant de tourner vraiment des images, on est parti de textes où il s'agissait pour chacun, chacune, de raconter, d'écrire un trajet entre là d'où on partait jusqu'au point de rendez-vous pour discuter du film. Et il s'agissait de décrire de façon un peu cinématographique ce trajet. Et donc ça, c'était un peu la base, je crois, sur laquelle on s'est appuyé pour faire les images ensuite. Ces textes-là, il y avait donc tout le monde a pu présenter un petit récit, et à partir de tous ces récits, il y a eu une sorte de réécriture qui a été faite, et ensuite à partir de cette réécriture, donc des images, ces images étant commentées, on imaginait des choses à partir de ces images. Il y avait une nouvelle réécriture. Enfin voilà, c'est un peu ça le processus à chaque fois. Très imaginaire. Vous étiez, j'avais entendu en radio quand vous aviez fait une radio sur FPP il y a un mois environ, et Christophe racontait aussi qu'il y avait eu tout un travail de photos qui était un peu comme une carte, qui aussi était un moyen de repérer des lieux, mais aussi de fabriquer le film à partir d'une mémoire commune de photos. Et ça me fait penser d'ailleurs aussi qu'on avait accompagné, reçu ici le projet d'un film aussi qui avait été autour de l'hôpital de Ballanger, et où il y avait eu aussi tout un travail un peu de cartographie photographique, qui avait un atelier, disons, photo presque, qui avait accompagné l'atelier du film. Ouais. C'est donc des photos qui sont extraites soit des images tournées à Saillant lors du premier séjour, ou des images qui on s'était donné quelques lieux de promenade habituels, des lieux un peu centraux dans nos circulations, et donc on est allé les visiter avec les personnes Johanna et Elisa qui accompagnent cet atelier. Et donc c'est là que des photos ont été prises, et on va poursuivre comme ça ces promenades, parce que depuis le départ, cet atelier, c'est quand même la question centrale, c'était où est-ce qu'on circule, comment on habite cette banlieue, et donc tous les films qu'on avait vus pendant plusieurs années, ça avait un peu ce thème commun, c'était soit l'errance, la dérive dans ces lieux... dans une banlieue, dans les friches, à New York, dans la ville. Ou alors interroger comme ça la façon dont on habite ces grands ensembles, ces espaces. Quoi. Donc voilà, c'est autour de ça qu'on travaille ces images. Et c'est un petit peu différent de la radio, du coup, dans le sens où... où c'est un atelier qui rassemble différents lieux tous les mois, et on commence à se déplacer puisqu'on va à Saillant, mais Saillant, c'est un lieu dans le Forez, dans le Massif Central, qui nous accueille. Je crois que c'est un peu plus haut. Il y a deux Saillants. Ah, il y a deux Saillants. Un avec un S et un avec un T. Oui, et nous, on va à Saillant avec un T. Dans le Massif Central. Ouais. Et donc c'est un atelier qui est assez différent parce qu'il réunit d'emblée plein de lieux. Donc c'est aussi le moment pour nous, les rencontres au labo. Enfin, à une époque, on était plutôt une trentaine que 15, quoi. Et donc c'était le moment où on pouvait aussi se donner des nouvelles des différents GEM. On passait une journée ensemble ou une grande après-midi. C'est aussi cette fonction-là, quoi. Ça a aussi une fonction dans le quotidien, parce que ça nous mobilise. Il fallait, enfin, c'était un des premiers ateliers réguliers où on se déplaçait comme ça, fallait se donner des rendez-vous. Enfin, c'est tout un cheminement quoi, pour arriver jusqu'à la Courneuve, qui est à, finalement quelques arrêts de bus, mais c'est pas rien. Il se trouve que nous aussi, pendant le tournage, le tournage a eu cette fonction-là pendant le confinement, c'est-à-dire que ça nous a aussi permis de continuer à être en lien en s'envoyant des photos, en faisant des prises de son dans Paris désert. Jean-Baptiste avait été avec nous d'ailleurs, tu as participé, je ne sais pas si tu te souviens, avec toute une histoire autour d'une flaque d'eau. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, ou bien sinon en écrivant nous-mêmes nos propres dialogues. C'est-à-dire que Simon est venu avec un proto-scénario, mais il nous a laissé la possibilité d'écrire nos dialogues. Ce qu'a fait d'ailleurs Isabelle, qui a passé beaucoup de temps à écrire les propres dialogues de son personnage pour le film Un pays lointain. Donc pendant les 2 ans, enfin en tout cas, pendant pas 2 ans, mais là la dernière année, on a pu entretenir par le biais d'un blog des nouvelles des uns des autres, s'envoyer des photos, du son, des textes, qui ont permis d'alimenter tout le travail d'écriture du film. Du coup, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, juste témoigner du fait que moi, j'ai pas participé du tout au tournage ni à Prisme, mais en tout cas sur l'Adamant, en tout cas pendant le tournage, c'était assez chouette aussi de voir pendant toute une semaine tous ces gens costumés qui se promenaient, et puis des gens effectivement de l'extérieur. C'était encore un moment de confinement, et ça faisait sacrément du bien de voir des nouvelles têtes sur le bateau, de transformer le quotidien. Oui. Donc j'avais 2-3 amis à Rueil, à Sarcelles. Il y avait Philippe Lavis. J'avais des amis anarchistes aussi à l'époque, un ami qui s'appelait Maud, qui faisait de la peinture. Et un tout petit réseau de 2-3-4 amis. Sinon, j'étais tout seul ici, complètement seul. Et en 82-83, j'ai rencontré des amis allemands. Jörg, il était venu à pied de l'Allemagne. Il ressemblait à Van Gogh. Il vendait des boudins dessinés dans des boîtes d'allumettes sur le parvis du centre Pompidou. Et j'ai lié amitié avec Jörg. Il avait un anneau dans l'oreille. C'était une sorte de hippie allemand. On parlait d'Antonin Artaud, de surréalisme et de poésie. Et lui écrivait des romans avec une vieille machine à écrire. C'était un personnage vendersien, Jörg Janser. Et ses copines, Ute Ratzmann, je les ai rencontrées par hasard, si on peut dire, providentiellement, dans le quartier des Halles. Et à ce moment-là, j'ai commencé une nouvelle vie. Et on parlait de poésie, de littérature, de... How long would it take him to get to Houston? Je ne savais pas qu'il y avait le film de Wim Wenders. J'étais absolument pas au courant de ça. If they were to travel, I'd say about 3 seconds. Over, I didn't get that last part. It would take them 3 seconds to get from California to Houston on light speed. This is Houston? Yep. How are we gonna find her in a big city like this? I know where she'll be. Where? A bank. She's going to deposit some money at a certain bank today. This is a bank? What kind of bank is this? Looks like a drive-in. I've never seen a bank like that. Me neither. There were so many cars, we'll never find her. Oh, yeah, we will. Come on. We'll split up and then we'll cover more ground, okay? Yeah, we could use the walkie-talkies. Hey, now you're going. I'll let you out here. Okay. Can you hear me, Dad? Over. Loud and clear. Paris, Texas est sorti en 1983. Moi, c'est l'année où je suis sorti du fond de l'abîme. j'ai lié amitié avec Jorg et Uteux qui m'ont ouvert un nouvel univers. On avait un copain qui s'appelait Xavier Bazot aussi, qui écrit des romans. Et c'est la poésie à ce moment-là qui a fonctionné, qui m'a aidé. Quoi. Et Jorg, lui vivait comme Van Gogh dans une mansarde dans le 18e à Belleville. Il avait un petit mini cassette où il écoutait Animals de Pink Floyd. Et il dessinait des Bouddhas, des pyramides. Il avait été aux Indes. Il connaissait la culture indienne. Il faisait la méditation bouddhique. C'était une image de père. Il avait 50 ans. Il avait 20 ans plus que moi. C'était la génération de 68 en plus. C'était un hippie allemand en quelque sorte, mais branché sur le dadaïsme, le surréalisme et Joseph Beuys et tout l'underground allemand, la culture allemande. Et Uthe, elle était photographe et elle s'occupait des relations d'amitié franco-allemande, près de la glacière, à l'Institut d'amitié d'échange, les auberges de jeunesse, les échanges culturels franco-allemands. Donc c'est une rencontre, quelque part, Wim Wenders était là, mais on ne le savait pas. On ne le savait pas, on parlait de tout, de rien, mais Uthe, elle venait de Wuppertal, petite ville de la région industrielle d'Allemagne, Wuppertal. Et c'est longtemps après qu'elle m'a expliqué que Wuppertal était aussi la ville de Wim Wenders, parce que le W, c'est la signature de Wenders. Et en fait, les photographies de Uthe ont servi à Wim Wenders, comme les photographies de Catherine Reinhardt, les copines d'Alain, ont servi pour les films de Wim Wenders. Il a tout absorbé et tout mis dans ses films. Donc il utilisait les talents de Catherine Reinhardt, de Uthe, l'histoire d'Alain, ont servi à fabriquer ses films. Mais on ne le savait pas. Moi, je n'irais complètement cette histoire à l'époque. Qui l'a découvert ? L'histoire des anges. J'ai mis 25 ans à comprendre, à trouver la vérité, l'explication de l'histoire des anges. Dans les allées des anges. Oui. La joie de lever la tête vers la lumière, ici au grand air. La joie de voir dans les yeux des hommes les couleurs illuminées par le soleil. Enfin folle, enfin consciente, enfin folle, enfin plus seule, enfin folle, enfin sauvée, enfin folle, enfin tranquille, enfin folle, enfin une lumière intérieure. Meine Damen und Herren, das Rauchverbotszeichen ist nun für unseren Anflug auf Berlin-Tegel eingeschaltet worden. Bitte stellen Sie das Rauchen ein und rauchen Sie nicht mehr, bis Sie sich am Flughafengebäude. J'ai entendu, on est détourné sur ta ville. Ça me rappelle un très bon souvenir. J'adore quand on est en avion et qu'on est détourné. Tu veux que je te dessine une charrette avec du foin? J'ai imaginé un village où il y a une petite maison et il y a aussi deux étages et une petite terrasse. C'est là que tous les jours nous allons nous baigner. Et l'homme qui habite là s'appelle... Je ne comprends pas ce personnage. C'est incroyable le peu de choses que je sais sur ce rond. Ça, c'est l'enquête que j'ai menée en 2007 sur les films de Wenders. Il suffira d'un bon costume et la bataille sera à moitié gagnée. Dans le placard, Berlin. Emile Jennings. La filmographie de Wenders. Von Stauffenberg. Prenez votre cigarette. Quel mec. C'est un beau dessin, il plaît beaucoup. C'était pas à Berlin. Lui, il était poète. Il écrivait principalement de la poésie. En si grand-mère est arrivée ici, elle dirait que je pâtis. Va te promener. Il avait un manuscrit, Tokyo, ça s'appelait Mens. Kyoto, Paris, Londres. Une sorte de roman. Une sorte de roman expressionniste. Très étrange, très, très bizarre. Et voilà, on s'est connus comme ça. Quoi. Donc ça, c'est un document qu'on peut trouver sur le site laweb.com, le blog de la radio de l'hôpital de jour, là d'Adamon. Exactement, c'est un document qui doit peut-être avoir 4 ans. Il est en 3 parties, 3 fois une demi-heure, et c'est un des premiers documents qu'on a fait au domicile. de quelqu'un, en l'occurrence Frédéric. L'idée c'était qu'on y allait à deux avec Arnaud. On enregistrait, voilà, l'idée c'était de que la personne puisse nous raconter un peu comment elle vivait chez elle, ce qu'il y avait sur les murs, son quartier, enfin comment il habitait là. Donc on enregistrait ça, il y a une version qui est faite pour la radio, qu'on feuilletonne, histoire que ça soit quand même pas trop long à écouter, parce que déjà 30 minutes ça demande faut être là hein, pour bien entendre tout ce qui se dit. Et ensuite il y a une version papier qui est faite pour le journal des Bobards, hein, qui est le journal de la Daman, où là on peut en retrouver une version un petit peu en raccourci. Donc il y a aussi tout ce travail qui est fait au domicile, on va tout simplement chez les gens pour filer un coup de main, pour nettoyer, bricoler, ou tout simplement être là. Hein, parce que des fois on va chez lui et il peut nous remercier, il nous dit merci, il dit depuis que vous êtes venus, les nazis ça les a calmés. Les nazis c'est les voisins, hein, les nazis, la mafia, voilà. Donc quand on n'est pas là, il peut mettre un disque. Il peut mettre, Frédéric, ça lui arrive souvent de mettre l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ça, en général, ça a un effet radical sur le voisinage. Ou bien alors le discours du PSU en 1971 avec Jean Poprenne et tous les vieux classiques du Parti Socialiste. Là aussi, ça a un effet... j'ai aussi cet effet-là quand je vais chez lui. Ça calme l'entourage et un peu un effet Jean Poprenne. Ce qui est... voilà, j'étais content de l'apprendre. Il m'a dit, t'as un effet Jean Poprenne, Bruno, merci. Donc j'ai connu Jean Poprenne. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on va aussi au domicile et que l'idée avec ce document-là, avec Frédéric, c'était aussi pour faire un lien avec l'atelier Ciné-Club qui a lieu toutes les semaines aussi, où on regarde des films. Chacun vient, comme il le sent, proposer trois films au collectif et c'est le collectif qui choisit un film. Puis après, on se retrouve ensemble, puis on discute du film. Est-ce qu'on a bien vu la même chose? Est-ce qu'on a bien entendu la même chose? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que ça t'a fait? Voilà. Et du coup, on avait vu ces deux films-là, et Paris, Texas, dont on a entendu un extrait, et Les ailes du désir, les deux films étant de Wim Wenders. Du coup, ce qu'on comprend aussi, et peut-être vous pouvez aussi dire un mot dans ce maillage des ateliers, c'est que c'est aussi l'invention, pas seulement d'un quotidien, mais d'une, j'allais dire d'une troupe, en tout cas de quelque chose de collectif qui circule, et que l'idée des ateliers, et on en a parlé un petit peu la semaine dernière avec les films du Polygone étoilé à Marseille, qui expose ici une heure de films d'ateliers faits dans le quartier du Panier. Il y a toute l'idée de fabriquer quand même quelque chose comme une histoire à la fois qui s'imbrique entre des ateliers, qui se répondent, qui se correspondent. Je me souviens aussi à propos du film dont tu parlais, Lucie et Christophe, tout à l'heure, qu'il y a eu aussi des textes. Je me souviens d'un texte d'une des personnes de l'atelier qui a écrit un très beau texte sur le voyage à Saillant, où il est question de ce trajet où il ne se passe rien jusqu'à Clermont-Ferrand et après la porte du voyage s'ouvre à partir de Clermont-Ferrand, à partir des montagnes. Donc voilà, je voulais aussi souligner qu'il y a cette interaction entre des... dans l'invention des lieux dans lesquels vous êtes, il y a cette interaction entre des espaces d'atelier. Et peut-être que tu peux un peu raconter le territoire, ce territoire ou ces alliances, Christophe, qui sont de votre côté à l'œuvre pour fabriquer. Ouais. Après, je suis très impressionné par l'ancrage aussi très personnel, quoi, du travail que vous faites et qui compte pour moi pas mal. Et que récemment, on a eu des discussions. Je pense à il y a eu une très belle réunion jeudi dernier, il me semble, où on parlait de l'ambiance à la trame, et où justement on essayait de faire apparaître quand même quelque chose de la singularité des uns et des autres, et qui fait que parfois ça, c'est aussi ça qui est au cœur de l'ambiance. Et il faut en tenir compte, évidemment, mais dans la vitesse dans laquelle on se trouve. Nous, en Seine-Saint-Denis, il y a une vraie pression sociale, qui est peut-être la même à Paris, mais nous, on est vraiment très aliénés à ça. Et du coup, on oublie peut-être, c'est un avant-propos, on oublie peut-être d'être très attentif aux personnes. Et pendant le temps du confinement, on a fait des ateliers radio où justement là, il y avait vraiment une voix singulière qui apparaissait. Et ça a reconfiguré quand même nos relations pour un temps. Et après, ça s'efface un petit peu peut-être. Mais effectivement, aujourd'hui, l'atelier Bruit de Couloir, c'est un espace particulier au sein de la trame. Et il y en a depuis quelques mois, il y a beaucoup d'espaces de parole, de, je dirais pas de réflexion, mais en tout cas où on essaie de penser pour mieux agir, quoi. Et donc on a un temps le lundi désormais qui est un café, le café du lundi, où on prend le temps de se poser, de se raconter ce qui va se passer cette semaine, et peut-être justement ça serait aussi un temps pour dire d'où on vient, quoi, depuis qu'on s'est quitté vendredi dernier. Après il y a ces temps de permanence, et puis les émissions de radio, où ces derniers mois on a eu aussi des commandes de lieux extérieurs, donc ce qui est très intéressant, parce que ça nous permet de continuer de poursuivre un maillage, un réseau, mais qui nous permettent pas de revenir, de faire retour sur ce par quoi on est traversé. Et c'est plus la fonction de la réunion hebdomadaire, quoi, il me semble, Nasser. Absolument, ouais. En fait, on a une réunion en fait le lundi. C'est un petit peu la réunion où on organise un peu le planning. Et puis aussi, on a la réunion de fin de semaine. C'est un petit peu un débriefing sur ce qui s'est passé dans la semaine, et puis on projette ce qui va se passer la semaine suivante, quoi. Mais on a pas mal aussi de On a pas mal d'intervenants extérieurs qui viennent pour des sortes de, pas des séminaires, mais des réflexions ensemble, quoi. À propos de la santé, même pas seulement, quoi. Diverses choses. La santé et puis la participation, en fait. C'est pas si fréquent qu'un lieu propose aux personnes concernées d'avoir la possibilité de marquer un peu le style, l'empreinte. Enfin, chacun peut participer, donner ses idées et donner une inflexion à ce qui va se passer. Et donc pour ça, il y a des gens qui sont intéressés, tout bêtement, ils sont curieux. Alors je sais pas si c'est une bonne chose, mais il y a des gens qui viennent réfléchir avec nous de comment on peut trouver les équilibres, parce que des fois on est pris, donc notre objet c'est quand même de porter un peu assistance, quoi, on va le dire très simplement, dans cet état de souffrance sociale, de souffrance psychique, et donc il y a une vraie intensité, quoi, des demandes des uns et des autres, et qui nous empêche qui fait que parfois, on est, par exemple, le thème de la réunion dernière, c'était les gens qui travaillent, les soi-disant vrais travailleurs, sont trop occupés avec certaines personnes et ne consacrent plus suffisamment de temps à faire en sorte que la dynamique de l'ensemble tienne le coup. Et donc, il y a des clashs, il y a des gens qui s'y retrouvent plus, qui se sentent pas suffisamment entendus. Et donc, les séminaires auxquels on participe, les temps un peu réflexifs, les réunions hebdomadaires ont fonction quand même de rediscuter ça et de peut-être de créer de nouveaux outils aussi ensemble pour permettre que ça continue et que ça ne devienne pas un lieu commun, quoi, la trame. La radio, du coup, elle a lieu. Enfin, parce que là, tu parlais des temps de discussion et d'accueil, finalement. Mais est-ce que c'est au sein de la radio ? Enfin. Alors, il y a d'autres réunions. Il y a la réunion hebdomadaire et il y a la radio. C'est le lieu. Enfin, pour nous, il me semble que la radio, c'est le lieu où on va aller chercher de nouveaux outils, faire de nouvelles rencontres, aller voir comment ça se passe ailleurs, pour se donner des idées. On est un lieu relativement jeune. Qu'on espère encore à inventer. Et donc la radio, ça a cette fonction-là aujourd'hui. Ouais. Bon, ça a toujours plus ou moins eu cette fonction-là. Au début, la radio, c'était Notre idée première, c'était de parce qu'on est un lieu qui vient qui est issu d'une réflexion autour des groupes d'entraide mutuelle. Et donc la radio, au tout début, c'était une façon de réintroduire une histoire auprès de ces groupes d'entraide mutuelle. Donc le thème de la radio, c'était histoire et actualité de la psychiatrie. Ça a vite dérivé. C'est très grossier, quoi. Oui, parce que du coup, il faut souligner, on n'a pas précisé aussi pour qui nous écoute, que du côté de l'Adamant, de l'hôpital de jour d'Adamant, on est dans une histoire institutionnelle qui est liée aussi à une longue histoire du secteur et que je pense par exemple avec le dispensaire du Figuier, un des premiers lieux qui, dans l'histoire de la psychiatrie en France, raconte une réimplantation de l'hôpital vers la ville, donc à travers le Figuier, mais vous avez, comme vous le disiez aussi tout à l'heure Isabelle, plein d'autres lieux dans le secteur, la Péniche, la rue du Temple, enfin il y a tout un réseau qui s'est constitué, et que le réseau que vous constituez à la trame, il part plutôt de tout ce réseau de lieux associatifs que sont les groupes d'entraide mutuelle qui ont été créés avec la loi de 2005. Avec la loi de 2005, et qui sont déjà une conséquence de l'histoire de la psychiatrie et aussi de son démantèlement, et que quelque part vous, et l'exemple où tu dis on faisait quelque chose sur l'histoire de la psychiatrie au début à la radio, c'était une manière de remettre en jeu une histoire du soin, de la clinique, mais dans un territoire qui est extrêmement éclaté, où à la fois, et c'est pour ça que tu disais, il y a une importance du collectif, et que même la radio, on entend plutôt la voix en premier lieu du collectif dans la radio, mais aussi à travers un territoire où on est extrêmement esselé et dispersé. Tout à fait. Et la proposition de l'atelier radio, quand je dis histoire et actualité de la psychiatrie, c'était grossier. C'était aussi grossier que les gens étaient à la fois esselés et dans un refus des lieux de soins, qui sont très durs, en tout cas sur ce secteur-là. Et donc on était sûrement aussi grossier que la violence psychiatrique. En fait, c'est plutôt une alternative au modèle institutionnel, quoi. La trame, c'est des gens, on va dire, c'est pas de la psychiatrie au sens médical du terme, en fait. C'est on peut être en souffrance sans être passé par la psychiatrie, par exemple. Et justement, une écoute, une aide dans un domaine où ça nous évite de chuter, par exemple, quand on traverse une période difficile. Mais la radio aussi, au sujet de la radio, il y a aussi des témoignages, l'expression libre aussi des patients. Donc voilà. Alors on peut d'ailleurs écouter à propos d'expression libre un témoignage plus musical, mais néanmoins qui est un témoignage. C'est parti. Eh ben bonjour, c'est Antoinette. J'ai 41 ans. Je suis fille de musicien. Et donc je me dis que quand on est dans la merde, il n'y a plus qu'à chanter. Donc en ce moment, je suis plus en mode son. Donc en plus, j'aime pas ma voix. Je suis désolée, mais il y a un grand... Je chante depuis... Depuis le berceau, mes parents nous ont fait chanter en même temps qu'on commençait à parler. Et salut, je viens à l'Adamant parce que déjà de une, ça fait un peu sortir, même si on a le droit à une heure par jour pour aller courir, pour aller faire de la corde à sauter, ou je le fais quand je peux. Ça fait du bien aussi de voir que les soignants qui sont là, enfin qui font un métier qui, quand même, moi, on m'a sauvé la vie plus d'une fois, j'aurais pu mourir ou quoi. C'est quand même beau de tenir comme ça les gens debout. Donc ça, il faut être reconnaissant par rapport à ça. En tout cas, il y a aussi le rapport humain, mais je sais pas trop quoi dire, j'en sais rien. Non, mais c'est bien. Je me répète, en plus, j'ai pas trop quoi dire. Je suis mal réveillée, je suis en retard ce matin. Et qu'est-ce que vous vouliez chanter aujourd'hui, Antoinette ? Les lacs du Coronara, je sais pas, des choses comme ça. En ce moment, c'est un peu tout. J'essaie de retravailler un peu les aigus en soufflant dans des pailles. Maintenant que le phoniatre et l'orthophoniste ne peuvent plus rien pour moi, je suis obligée de me débrouiller toute seule pour retrouver la clarté de la voix. Ce matin, j'ai la voix cassée parce que j'ai chanté sans retenue, en hurlant, il y a 2-3 jours. Donc je vais essayer de chanter et en même temps je pense aussi à tous les patients, à tous ceux qui sont confinés seuls. Franchement, c'est, je trouve ça un peu violent pour eux. J'espère que ça va pour certains, et d'autres qui sont en famille, tant mieux, peut-être pour eux ou pas. Donc moi, ça fait un mois que je tousse aussi, j'ai été consultée. Pour l'instant, ça va, mais les poumons sont nickels, mais la température, ça va aussi. Mais ça fait quand même un mois que je tousse, même si je me fais... Enfin, tant qu'on prend soin de soi, en se lavant les mains, en faisant ce qu'on nous dit, de se confiner, de rester à une distance de 1,50 m par personne, normalement, ça va à peu près, mais bon... prenez soin de vous, hein. Écoutez bien ce qu'on vous dit, on a beau le répéter de temps en temps, ça peut oublier, ça peut... Je suis sortie sans autorisation une fois sans le faire exprès, hein, mais c'est bien aussi de bien prendre soin, parce que si ça s'arrête un jour, au moins on aura eu la santé pour la suite, donc il faut penser aussi à après, garder l'espoir si on peut. On peut pas dire, mais bon, ça va être long, hein, mais c'est comme ça. Donc je sais pas, quand on peut pas se faire de raison, on se dit que c'est comme ça. Et du coup, vous vouliez chanter le lac du Connemara ? Les lacs du Coronara. Les lacs du Coronara. Oui, ben, en fait, je l'ai déjà enregistré sur mon téléphone portable. D'accord, vous aviez déjà fait un enregistrement ? Ouais, okay. Avec les instrumentales et tout, parce que la voix comme ça, toute seule... Et à la voix toute seule, là, vous n'oseriez pas le faire ? Moi, je me concentre. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Coronara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Coronara. Bon, bah là, je m'arrête là parce que j'aime pas trop ce chanteur en plus, pour le coup. Non, mais en ce moment, c'est la DAS, ton univers impitoyable. C'est un peu n'importe quoi, ça part un peu dans tous les sens. J'essaie de m'amuser, d'essayer de prendre l'imprévu comme il arrive. Et puis, en dehors de ça, bon, ben, comme tout le monde, hein, on en a marre. Hein, entre le ménage, la vaisselle, les poubelles, la lessive, les courses, tout, hein, comme tout le monde. Hein, j'essaie de... Et puis, en dehors de ça, ben, quand je peux, je chante. Ça me donne la pêche. Bon. Bah super, merci Antoinette. De rien, hein. Bon courage. Hein. Oh, pas vrai. J'ai juste fait juste ça. Bon, il y a d'autres enregistrements. Les Ritami Tsuko m'avait dit de plus chanter ça, hein, mais ça, tant pis. Hein. J'écoute pas trop maintenant. Et puis la DAS, je sais pas, là où j'ai été placé. Si la DAS entend, je vais me faire tuer. Hein. La DAS glorifie la loi du plus fort. La DAS est sous ton soleil implacable. Tant glousser après. N'importe quoi. Donc bonjour les voisins. Hein. C'était Antoinette. chante à s'en péter les cordes vocales parfois, comme elle nous l'a expliqué. Bon voilà, mais ça c'est un des documents justement qu'on a fait sur le centre de jour. C'était encore pendant le temps du confinement, comme vous l'avez compris, comme nous l'a bien expliqué. Alors, on va écouter le dernier extrait. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes le mercredi 3 juin 2020. C'est Yvan Vdovine, enregistré par Bruno. Je vais jouer un peu de piano. Je suis musicien qui fait ses études encore. Mais j'ai déjà fait plus de 12 ans ou 13 ans de piano, dans 9 ans à Moscou, à l'école du soir rattachée au Conservatoire supérieur Tchaïkovski. Bonjour docteur Zan, bonjour. Ensuite, j'ai fait un an et demi de théorie de la musique au collège Schnittke. J'ai fait plus de 2 ans et demi d'études musicales en France. Récemment et un an quand j'avais 19 ans, conservatoire de Bourg-la-Reine en piano. Et mon père était un pianiste, de haut niveau, lauréat du concours Tchaïkovski à l'âge de 21 ans en 82, et de très c'était un pianiste non seulement très technique, mais aussi très avec une musicalité, une grande originalité, une qualité purement artistique et musicale. Donc aujourd'hui, je vais jouer d'abord la première partie du concerto en do mineur pour deux pianos, qui est une transcription d'un concerto pour hautbois et piano, il me semble, de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que vous pourriez nous dire où nous nous trouvons là? Là, que... nous nous trouvons à l'hôpital Esquireux, dans l'unité AVROS, où, grâce au docteur Pham, nous avons un piano. Et on est dans le couloir. On est dans le couloir, près de l'entrée de l'unité, mais... Donc c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage, mais nous essayons... J'essaie de me concentrer quand même, je me concentre pour jouer du piano, notamment, en faisant, comment dire, en faisant un peu abstraction du bruit qu'il y a par moment aux alentours, et donc... Ce qui m'apprend une certaine autodiscipline. Et c'est un endroit dans lequel vous venez jouer souvent? Oui, tous les jours. Même souvent, au moins deux fois par jour, par séquence de 20, 40 minutes. Parfois je joue, parfois je travaille un petit peu. Je joue plusieurs morceaux, mais... Pour l'instant, je n'ai pas de prof, hélas, de piano, parce que je fais des études de composition. Mais j'espère que je trouverai un prof, parce que même à mon âge, bientôt 35 ans, j'ai besoin d'un professeur pour travailler de manière plus rigoureuse. Donc, comme disait ma mère, le progrès n'a pas de limite. Je pense qu'ici, ce n'est pas un concert radiophonique, c'est juste un enregistrement pour faire part de mon amour de mon affinité pour la musique et pour vous donner des émotions positives. Est-ce que vous pourriez nous redire le morceau que vous avez joué ? Oui, concerto pour deux pianos de Jean-Sébastien Bach en do mineur. Donc je joue la partie de piano supérieure, puisque j'ai pas de deuxième musicien ou d'orchestre. Première partie. C'était Ivan, on était à l'hôpital, hein, comme on s'était dit au départ, on a essayé de circuler justement dans le pôle. Vraiment ce qu'on avait annoncé au début sur la question du secteur, c'est-à-dire d'être aussi bien au domicile, dans la ville, mais à l'hôpital, sur la Daman, hors les murs. Et vous pouvez écouter la suite du document hein, sur lavoif.com, c'est Ivan. Qui était dans un lieu de passage, hein, il l'a dit aussi, à l'hôpital. Mais pour conclure sur cette histoire de la circulation, je voulais redonner la parole à Catherine qui nous avait dit tout à l'heure que peut-être elle nous dirait un mot de l'atelier qui s'appelait Autour du corps, parce que Catherine aime la danse, elle aime bien être libre de ses mouvements. Je m'appelle Catherine, donc c'était un atelier qui était animé par Dasha, qui était un petit rayon de soleil, et puis co-animé aussi par Marilyn et Céline qui travaillent à Naman. Et en fait, je trouve que danser, ça rend plus léger. Et que quand on sortait de cet atelier, en fait, on était, je crois, plus avec plus de joie de vivre qu'à l'arrivée, qu'à l'entrée. Elle nous proposait des choses, il y avait aussi une partie improvisation, et puis on a travaillé avec des tissus un petit peu. Différentes choses, des fauteuils dans l'espace. On entrait, on faisait une partie scène, une partie publique par moment. À la fin de l'atelier, en février, on a travaillé un mois avec plus d'intensité, je crois. On a dépassé certaines limites. L'atelier temps de pause est entré, on s'est pris en photo, on a dansé en se prenant en photo en même temps. Il y a eu une expo de certains moments de danse, et puis je crois qu'on était assez émus quoi, de la fin de l'atelier, parce que c'est une aventure qu'elles ont vécue toutes les trois pendant 8 ans, qui a resserré les liens à la fois entre elles et entre les gens qui y participaient quoi. C'était assez émouvant la fin de l'atelier quoi. Voilà. Ça s'entend. Et puis il est question aussi peut-être d'un nouvel atelier autour de la danse, avec ah oui, une peut-être. Nouvelle rencontre. Alors, donc pendant Prism, on a rencontré un chorégraphe qui nous a fait travailler un petit peu, John, et qui a envie de faire une création artistique. Il n'a pas envie de faire des ateliers toutes les semaines, mais il a envie de faire une création artistique et qu'on travaille autour de ça, peut-être à la rentrée, on va voir comment. avec des gens intéressés sur la péniche, quoi. Tout le monde est bienvenu, quoi. C'est ouvert. C'est un lieu ouvert. Alors, merci. Merci Catherine. On va continuer à être en mouvement puisqu'on a prévu à partir de 17h d'écouter un travail qui a été fait à Marseille. On va retourner à Marseille comme on l'était la semaine dernière, dans un autre lieu qui n'est pas une péniche mais un château, et qui est un document sonore fabriqué par un CATTP qui s'appelle Le Colibri, et qui est allé à la rencontre de ce projet de santé communautaire dans les quartiers nord de Marseille. Et donc avant de partir à Marseille, nous avions prévu avec toi, DJ Karim, le bruit de couloir, de t'entendre. Et je te laisse. Bonjour. La parole. Je vais dédier cette musique à un pote à moi qui est parti. Alors il s'appelle Kamel, un morceau que j'ai fait exactement, bon, quand je l'ai connu, lui il était dans un camion, moi j'étais dans un camion, j'ai passé un morceau qui s'appelle Magou, et lui il est arrivé avec un ami à lui, il est rentré lui après dans le camion, c'est un camion exactement d'un animateur qu'il avait organisé lui, dans le fond du camion il y avait des platines, il y avait deux platines vinyle et puis une table de mixage, il faisait apprendre à des petits jeunes à mixer. Et moi, je suis rentré dans ce camion, et c'est comme ça que j'ai connu Kamel. Il a entendu Magou, un morceau que je vais vous interpréter là, maintenant. Voilà. Et le morceau, il est là. You should do me like I do you, but never do me, no favors, don't do it. Oh baby, no, no, give it to me, I give it to you, but then I don't want your favors, just give me 11. De jour l'adamant, bruit de couloir et la trame, nous, Julia, Marie, Isabelle, Catherine, Kiki Karim, Nasser, Youssef qui était là aussi, Fred, Christophe et Lucie. On se retrouve demain à 14h30 sur la page multistream de Pinode. Merci aussi à Pinode de nous accueillir. On se retrouve à 14h30. Et à partir de 14h30, un duplex avec le GEM La Vague à l'âme de la rue des Couronnes à Paris, qui fera atelier radio et radio avec nous depuis La Parole Errante demain. Un lieu à Montreuil qui compte aussi beaucoup dans le réseau des lieux et qui accueillera à ce titre les rencontres internationales des pratiques brutes de la musique à partir du 2 juillet, les 2 et 3 juillet. Et on pourra d'ailleurs y retrouver certains des disques qu'on entend dans cette semaine, dont celui qui passe derrière moi en arrière-son, en tapis comme on dit, qui est DJ Ordeal. Voilà, et à demain pour d'autres échanges.